caché sous ton cuir noir. Tu joues les terreurs le soir, dans les troquets, dans les bars, dans les concerts sur boulevard. Y'a personne qui t'inquiète, y'a personne qui t'arrête. Ils te prennent pour un cogneur.